fallait que je te dise. À quel point je suis seul sans toi. J'étais en mort. Mon vent allait au plus bas. Je te fais cette chanson. Pour que tu saches ce que je ressens. Nous étions meilleurs amis. Et meilleurs amants. Tu étais la femme de ma vie. Tout du moins avant. Les années passées, l'on se lasse. C'est ce que la vie m'a appris. Et je l'ai appris à mes dépens. Quand je vois la peine en moi qui se répand. Nous vivions une idylle parfaite. Sans embrouiller, sans ennui. Mais j'ai vécu comme une défaite. Quand tu m'as dit que c'était fini cette nuit. C'était une nuit de mars. C'était même un lundi. Oui, comment pourrais-je oublier? Oh non, j'essaierai d'oublier. Nos balades sur le kitchen. J'essaierai d'oublier. Tes mots doux et je t'aime. J'essaierai d'oublier. Tu étais tout pour moi. Ça au fond, je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai pas. Dans les bras du dos. Tu sais, ce n'est pas facile quand tu ne connais pas tes fautes. En vrai, tu m'as laissé avec rien d'autre qu'avec tes regrets. Tu sais, elle fait souvent tout pour me rendre bien. Mais ces bisous ne sont pas les tiens. En nostalgie, quand tu nous tiens à mes yeux, rien ne valait nos liens. J'aimerais que tu me dises pourquoi. Quand je suis dans ses bras, je ne pense qu'à toi. Comme si tu étais là. Elle n'a pas des défauts, mais c'est toi que j'aime. Elle fait tout ce qu'il faut, mais c'est toi que j'aime. Elle n'a pas des défauts, mais c'est toi que j'aime. T'entends toi que j'aime. Oh oui, toi que j'aime. Mais j'essaierai d'oublier. Nos balades sur le kitchen.